Chapitre 7e. Madame de Maintenon avait sa maison à part et mangeait d'ordinaire dans son appartement. Ses gens étaient peu nombreux, respectueux et modestes. Elle garda toujours à son service Nanon, une ancienne servante du temps de sa misère. Sa société, autant qu'elle pouvait en avoir, composée de quelques dames de la cour, était restreinte et choisie. Elle recevait peu de visites et n'en rendait presque aucune. Dans les voyages, quand elle n'était pas dans la voiture du roi, elle parlait avec quelqu'une de ses amies, comme Madame d'Andicourt, Madame de Montchevreuil, Madame de Dangean, et s'arrangeait pour que le roi la trouvât tout établie quand il passait chez elle. Un carrosse du roi la menait, toujours affecté par elle, dit Saint-Simon, même pour aller de Versailles à Saint-Cyr. Et d'Espinay, écuyer de la petite écurie, la mettait dans le carrosse et la suivait à cheval. C'était sa tâche de tous les jours. À Versailles, à Fontainebleau, elle avait une maison de ville où elle sortirait quelquefois dans la journée pour être plus tranquille. Sa maison, selon Mademoiselle d'Aumale, était ainsi composée: un écuyer, trois valets de chambre. Elle n'en avait qu'un lorsque Madame la Duchesse de Bourgogne vint en France, mais comme elle était souvent chez elle, elle en prit deux de plus pour le service de cette princesse. Un maître d'hôtel, un officier et un aide d'office, un cuisinier et un aide de cuisinier, un cocher, un postillon et un palefrenier, trois laquais et deux porteurs de chaises, trois femmes de chambre, un portier, une servante, un marmiton. Elle n'était jamais suivie en carrosse que par un laquais et un homme à cheval. Cette suite était plus simple que celle des grandes dames du temps. À Versailles, à Marly et dans toutes les maisons du roi, elle était meublée par lui. Elle avait seulement à sa maison de la ville des meubles à elle, mais qui n'étaient que pour ses domestiques. Sa maison de la ville, à Fontainebleau, était de même. Elle avait à Maintenon quatre ou cinq appartements meublés assez proprement pour quand la cour y allait. Elle y avait tout laissé, mais il n'y avait aucune belle tapisserie. Les meubles étaient de damas. Elle avait de la vaisselle d'argent environ pour 15 000 livres. Le roi lui donnait tous les 3 mois 12 000 livres, ce qui faisait 48 000 livres par an, et en outre 12 000 livres pour ses étrennes. Elle jouissait encore de deux anciennes pensions, celle de gouvernante des enfants et celle de dame d'Atour de la Dauphine, qui s'élevait à 15 000 livres, ce qui, réuni à la terre de Maintenon, dont elle abandonna la plus grande partie à sa nièce en la mariant, formait un revenu total de 90 000 livres environ, dont elle donnait la plus grande partie aux pauvres. « Ces détails ont leur intérêt, » ajoute M. de Noailles, après avoir cité ce passage, « mais ce qui n'en a pas moins, c'est l'étude du côté moral et du caractère chez une personne qui a eu cette rare destinée de s'être élevée par sa vertu, et d'être resté dans son élévation modeste, désintéressé, charitable, fidèle à la piété par laquelle, chose étrange, elle avait été guidée, pour ainsi dire, dans le chemin de la fortune. Elle peut plaire plus ou moins, selon l'idée qu'on se fait d'elle, mais on ne peut s'empêcher d'estimer son caractère et d'admirer ses grandes qualités. « Je suis très mal contente, monseigneur, » écrivait-elle au cardinal de Noailles, de la manière dont vous m'avez reçu à l'archevêché. Et je vous dirai, avec la confiance que j'ai en vous, que les cérémonies qu'on me fait partout ont contribué à me séquestrer du monde autant que je le fais. Je voudrais bien, monseigneur, vous distinguer en cela comme en tout, et il est très convenable que je sois et que je paraisse uni avec vous. Mais comptez, monseigneur, que vous ne me verrez plus que chez moi. Vous ne me traitez point familièrement. Sur quel pied pouvez-vous me faire des cérémonies comme de venir me recevoir au bas des degrés et de m'accompagner à mon carrosse avec tout ce qui est chez vous? Voulez-vous trahir mon secret? Est-ce que vous êtes aussi adorateur de la faveur? C'est bien sérieusement que je parle, monseigneur. Vous me blessez le cœur et vous m'ôterez la joie de vous voir si vous continuez. » Son désintéressement égalait sa modestie. Le roi de lui-même lui disait quelquefois « Mais madame, vous n'avez rien. Voyez ce que je pourrais faire pour vous, car si je mourais, il ne vous resterait rien. » Un jour, en allant à Saint-Cyr, ajoute Mademoiselle d'Aumale, elle me dit en chemin, « Vous allez bien me gronder, mademoiselle. Il ne tenait qu'à moi hier d'avoir 100 000 livres de rente, car le roi m'a bien parlé sur mon état, et c'est la première fois de sa vie qu'il l'a fait d'une manière si intéressante. Eh bien, lui ai-je dit, madame, qu'avez-vous fait ? Rien, répondit-elle. J'ai dit au roi de demeurer en paix. Si je l'eusse poussé là-dessus, il est sûr qu'il se serait donné de la peine et de l'inquiétude pour chercher à me faire du bien, et je ne suis pas auprès de lui pour cela. » Et en effet, il a fallu, après la mort du roi, qu'on lui laissât du garde-meuble de Versailles ce qu'on lui avait prêté de tapisserie parce qu'elle n'en avait pas. Ce désintéressement, elle l'eut non seulement pour elle, mais pour ses parents, qui le lui reprochaient quelquefois. Elle ne profita point de sa place, dit Voltaire, pour faire tomber toutes les grandes dignités et les grands emplois dans sa famille. Son frère, le comte d'Aubigné, ancien lieutenant-général, ne fut point maréchal de France. Un cordon bleu et quelque part dans les fermes générales furent sa seule fortune. Le marquis de Villette, son cousin, ne fut que chef d'escadre. Madame de Caylus, fille du marquis de Villette, n'eut en mariage qu'une pension modique, donnée par Louis XIV. Madame de Maintenon, en mariant sa nièce au fils du premier maréchal de Noailles, ne lui donna que 200 000 livres. Le roi fit le reste. Elle voulait que le public pardonnât son élévation en faveur de son désintéressement. La seconde femme du marquis de Villette, depuis Madame de Bolingbroke, ne put jamais rien obtenir d'elle. Je lui entendis dire qu'elle avait reproché sa cousine le peu qu'elle faisait pour sa famille, et qu'elle lui avait dit en colère « Vous voulez jouir de votre modération et que votre famille en soit victime ?» Ce n'est pas qu'elle abandonna ses parents, elle les soutint au contraire, de même que ses anciens amis, soit par des charges qu'elle leur obtint à la cour, soit par des secours et des pensions qu'elle leur procura. Mais elle voulait que ce fût dans une certaine mesure, selon leurs conditions et leurs mérites, cherchant à concilier ce qu'elle devait à la parenté avec la modestie dont elle ne voulait sortir ni pour elle ni pour les siens. On lui reprochait cependant de ne pas faire assez pour sa famille. « Vous êtes bien injuste, madame, » écrivait-elle à la princesse des Ursins, « de prendre le parti de mes nièces contre moi. Ce n'est pas ma faute si elles ne font pas aussi bonne figure que j'aurais voulu, et j'ose dire que je suis sortie pour elles de la modération que je tâche de garder pour moi-même. » Dans d'autres lettres, elle lui écrivait encore « Vous allez bien me gronder, madame, de ne pas faire madame de Caylus dame d'atour de madame la duchesse de Berry. Je ne sais si j'aurais obtenu cette grâce, mais je ne l'ai point demandée, quoique j'estime et aime plus que jamais cette personne que vous honorez quelquefois de la qualité de votre amie. » Et quelque temps après, « Si je ne vous ai pas demandé pourquoi je n'ai pas proposé madame de Caylus pour madame la duchesse de Berry, ce n'est pas manque de confiance, mais je suis persuadé que vous auriez désapprouvé mes raisons. Je vous remets, madame, à la vallée de Josaphat pour voir si je suis mauvaise parente. Je puis me tromper, mais je crois devoir faire ce que je fais, et que Dieu ne m'a point mise où je suis pour persécuter incessamment celui à qui je voudrais procurer un repos qu'il n'a pas. » « Non, madame, insiste-t-elle encore, ce ne sera qu'à la vallée de Josaphat qu'on saura mes raisons sur mes proches. Ne me condamnez point en attendant, je vous en conjure. » Les pauvres et les malheureux n'avaient pas à lui faire les mêmes reproches, car sa charité était inépuisable. Ses aumônes, dit Mademoiselle d'Aumale, absorbaient la plus grande partie de son revenu et allaient chaque année de 54 à 60 000 livres. Dans l'année 1694, où la cherté des grains causa une sorte de disette, n'ayant plus rien à donner, elle vendit une très belle bague et un attelage de chevaux pour les pauvres qu'elle allait souvent visiter elle-même en leur portant ce qui leur était nécessaire. Outre le bien qu'elle faisait à Maintenon, elle en faisait de toutes sortes et partout. Elle soutenait des religieuses, elle mariait des filles pauvres, elle secourait des personnes bien nées qui étaient dans la misère, et elle allait aussi soulager les infortunes cachées dans ces obscurs réduits où la charité s'ensevelit avec elle. Elle disait elle-même « Je n'ai ordinairement plus rien au bout du quartier. » Mademoiselle d'Aumale donne un aperçu du nombre de couvents, de communautés, de séminaires, de paroisses qu'elle soutint, d'écoles et d'hospices qu'elle fonda, de familles et de misères particulières qu'elle secourut. Quand elle refusa la charge de dame d'honneur de Madame la Dauphine, à la mort de Madame de Richelieu, elle se garda de refuser de lui succéder dans celle de présidente de l'Assemblée de Charité de Versailles, composée d'un certain nombre de dames qui se réunissaient tous les mois chez elle. Et, quoique souvent malade, elle n'y manquait jamais et ne voulait pas qu'on la tînt ailleurs. « Mes pauvres y perdraient, » disait-elle, « car bien des dames y viennent pour que je les nomme au roi. » Elle se reprochait les dépenses qu'elle faisait pour elle et attendait à l'extrémité pour se donner un habit, disant « J'ôte cela aux pauvres. » « Ma place a bien des côtés fâcheux, » disait-elle à Saint-Cyr, « mais elle me procure le plaisir de donner. Cependant, comme elle empêche que je manque de rien et que je ne puis jamais prendre sur mon nécessaire, toutes mes aumônes sont une espèce de luxe, bon et permis à la vérité, mais sans mérite. Et voilà, ma chère fille, les inconvénients de cette place. » Elle puisait cet esprit de charité à sa véritable source dans l'esprit chrétien. Parvenue à une position environnée de mondanité, non seulement elle y conserva les sentiments pieux qu'elle avait toujours eus, mais elle y porta, ainsi que l'attestent les lettres de l'abbé Gobelin, de l'évêque de Chartres, de Bourdaloue et de Fénelon, toutes les pratiques d'une âme engagée dans les voies les plus élevées de la vertu et de la piété. Le salut du roi, l'intérêt de la religion, les bonnes œuvres, les pieux conseils et les sages directions qu'elle donnait autour d'elle, surtout depuis la fondation de Saint-Cyr, inspiraient toutes ses actions. On lui a fait injustement, sur quelques faits mal connus et quelques paroles mal interprétées, la réputation d'une âme sèche et égoïste. Sa conduite et ses lettres présentent d'autres faits et d'autres paroles qui ne laissent pas de doute sur ses véritables sentiments. Elle était sincèrement et tendrement attachée à Louis XIV, et elle porta, dans l'espèce d'esclavage où elle vécut auprès de lui pendant tant d'années, ce dévouement des femmes qui savent si bien vivre pour ceux auxquels elles se consacrent. Sa vie, en effet, auprès du roi, fut une vie tout entière d'abnégation. « Je ne suis point à moi, » écrivait-elle à Madame de Brinon. « Tous mes amis doivent me regarder comme morte pour eux. Je ne puis garder ni mesure ni bienséance, mais c'est le temps qui me manque et non le sentiment. » Elle jouissait rarement du repos qu'elle aimait. Le roi, surtout à Fontainebleau et à Marly, était sans cesse dans sa chambre. Les princes, les princesses, les ministres, une foule de gens qui voulaient absolument lui parler de leurs intérêts, l'y venaient assiéger tour à tour. Les soucis du gouvernement, l'inquiétude de la guerre, les difficultés journalières, les contrariétés du roi, les sollicitations des courtisans et quelquefois les démêlés intérieurs de la famille royale, tout venait en quelque sorte aboutir à elle par la confiance du roi et lui causer toutes sortes d'agitations, d'insomnies et d'inquiétudes par la part qu'elle y prenait. C'est ainsi qu'on la voit surtout dans les 20 dernières années du règne de Louis XIV, quand le temps et l'habitude l'eurent en quelque sorte rendu le centre de toute chose. Ce genre de vie était entièrement opposé à ses goûts. Elle écrivait au cardinal de Noailles, le 9 septembre 1698, « Je conviens, monseigneur, que je suis insensible aux honneurs qui m'environnent, et que je n'y vois qu'assujettissement et contrainte. Sur ce point-là, l'amour-propre est bien mort. Mais, monseigneur, celui qui fait aimer leur peau, la liberté, est encore bien vivant. » Elle a bien peint l'état de son âme dans une lettre adressée à Madame de la Maisonfort, et qui suffirait seule, a dit un grand écrivain, pour désabuser les ambitieux. « Que ne puis-je vous faire voir l'ennui qui déborde les grands? Ne voyez-vous pas que je meurs de tristesse dans une fortune qu'on aurait eu peine à imaginer, et qu'il n'y a que le secours de Dieu qui m'empêche d'y succomber? J'étais jeune et jolie, j'ai goûté des plaisirs, j'étais aimé partout dans un âge un peu plus avancé, j'ai passé des années dans le commerce de l'esprit, je suis venu à la faveur, et je vous proteste que tous les états laissent un vide affreux, une inquiétude, une lassitude, une envie de connaître autre chose, parce qu'en tout cela, rien ne satisfait entièrement. » Nous ne saurions mieux terminer ce chapitre que par un extrait d'un de ces entretiens remarquables qu'elle avait à Saint-Cyr avec des personnes intimes lorsqu'elle venait y passer quelques jours de retraite. On y verra, en peu de mots, le résumé de sa vie et son âme se dévoiler en entier. « Je vais vous dire, ma chère fille, ce que j'écrivais tout à l'heure à une femme de la cour. Vous y serez la plus malheureuse personne du monde, si vous ne vous jetez tout entière du côté de Dieu. En effet, cette vie est remplie de misère. Tout ce qu'on y voit n'est que tristesse et ennui. J'en accepte pourtant la retraite, car en vérité, on y est heureux. En quittant le monde, on quitte une maison qui tombe en ruine et qui accable de ses débris ceux qui y logent. Ne croyez pas qu'on puisse être vertueux sans souffrir. Il faut compter sur des peines et des privations de toute espèce, en quelque état qu'on soit, qu'on ait à plaindre de ne pas souffrir, mais il faut profiter des souffrances pour aller à Dieu. Il est si bon qu'il s'accommode de tout et de ceux-mêmes qui sont conduits à lui par les malheurs les plus mérités. J'aime fort le vœu de ce solitaire qui souhaitait de n'être pas une heure sans souffrir. Rien n'exerce plus l'âme, rien ne lui donne plus d'aptitude à goûter ces plaisirs qui l'attendent dans un autre monde. Les saintes maximes de notre religion, les bons exemples nous encouragent, nous autres faibles, à supporter notre croix. J'étais longtemps sans comprendre cette nécessité de la souffrance pour faire son salut. Ce n'est pas que j'ignorasse sur quel fondement on l'appuyait. J'en entendais souvent parler et j'en étais fort inquiète, parce qu'un retour sur moi-même m'avertissait que je ne souffrais rien. Tout le temps de ma jeunesse a été fort agréable. Je n'avais nulle ambition, ni aucune de ces passions qui auraient pu troubler le penchant que j'avais à ce fantôme de bonheur. Tard, quoique j'éprouvais de la pauvreté et passé par des états bien différents de celui où vous me voyez, j'étais contente et heureuse. Je ne connaissais ni le chagrin ni l'ennui, j'étais libre. « Je crois, madame, lui dit ici son interlocutrice, que vous aviez déjà de la piété dès ce temps-là. « Hélas, guère, par malheur, reprit-elle. J'avais un grand fond de religion qui m'empêchait de faire aucun mal, qui me faisait haïr tout ce qui pouvait m'attirer de mépris. Du reste, je ne pensais guère à Dieu. Et en y réfléchissant sur ma vie, je remarque que les pas que j'ai faits vers la piété ont toujours été à mesure que ma fortune est devenue meilleure. Tous les degrés de prospérité et de faveur ont été suivis de quelques progrès dans cette vertu. On y est communément porté par les malheurs et les disgrâces. J'y étais porté par les avantages de la fortune. Plus ils se sont augmentés et affermis, plus je me suis donné à Dieu. Et j'ai toujours reconnu, ce me semble, que tout ce qui m'est arrivé était son ouvrage, ne l'ayant point recherché, m'y étant, tout au plus, prêté. On ne pourra jamais le croire, cependant rien n'est si vrai. Mais comme le ciel est admirable en tout ce qu'il fait, il a trouvé le secret, au milieu de toute cette pompe et pour ainsi dire, de cette incompréhensible élévation, de me laisser une sensibilité qui me fait entrer dans les peines des autres comme si c'était mes peines, et qui me fait une affliction de toutes les afflictions générales et particulières. Cela, joint à une infinité d'autres désagréments, me rend ma place insupportable. « Sensibilité, ajouta-t-elle en riant, qu'il me laisse comme par malice. » Puis, reprenant un air sérieux, elle dit « Cependant, ces peines même sont de nouvelles grâces de Dieu, dont je ne puis trop le remercier, quoiqu'elles me fassent trembler. Car enfin, ce n'est pas sa coutume de nous sauver par les richesses et par les honneurs, mais par la privation des choses nécessaires, par l'écrasement de l'amour-propre, et par les mépris, par les douleurs, par les calomnies. Je n'éprouve presque rien de tout cela. Quand je repasse ma vie, je trouve qu'il en a toujours été de même, car premièrement, dans mes tendres années, j'étais ce qu'on appelle une bonne enfant, tout le monde m'aimait. Il n'y avait pas jusqu'au domestique de ma tante qui ne fussent charmés de moi. Plus grande, je fus mise dans des couvents. Vous savez combien j'y étais chérie de mes maîtresses et de mes compagnes, toujours par la même raison, parce que je ne songeais du matin au soir qu'à les servir et à les obliger. Lorsque je fus avec ce pauvre estropié, c'était ordinairement ainsi qu'elle désignait Scarron, je me trouvais dans le beau monde, où je fus recherché et estimé. Les femmes m'aimaient, parce que j'étais douce dans la société, et que je m'occupais beaucoup plus des autres que de moi-même. Les hommes me suivaient, parce que j'avais de la beauté et les grâces de la jeunesse. J'ai vu de tout, mais toujours de façon à me faire une réputation sans reproche. Je ne voulais point être aimé en particulier de qui que ce fût. Je voulais l'être, de tout le monde, faire prononcer mon nom avec admiration et avec respect, jouer un beau personnage et surtout être approuvé par les gens de bien. C'était mon idole. J'en suis peut-être puni présentement par l'excès de ma faveur, comme si Dieu m'eût dit dans sa colère « Tu veux de la gloire et des louanges, eh bien, tu en auras jusqu'à en être rassasié. » Quand je commençais à n'être plus si jeune, ces grands empressements que le monde avait pour moi diminuèrent un peu, mais en même temps commença ma faveur. Il n'y eut point d'intervalle. À peine le monde fit-il un vide autour de moi que la cour le remplit. Je commençai à faire figure, et une conduite toujours au-dessus du soupçon me conserva l'estime publique. Il n'est rien que je n'eusse été capable de tenter et de souffrir pour acquérir le nom de femme forte. Je me contrariais dans tous mes goûts, mais cela me coûtait peu quand j'envisageais ces louanges et cette réputation qui devait être le fruit de ma contrainte. C'était ma folie. Je ne me souciais point des richesses. J'étais élevé de 100 piques au-dessus de l'intérêt. Je voulais de l'honneur. Oh, dites-moi, ma fille, y a-t-il rien de plus opposé à la vraie vertu que cet orgueil dans lequel j'ai usé ma jeunesse? C'est le péché de Lucifer, et le plus sévèrement puni par ce Dieu jaloux qui se plaît à résister aux superbes. Enfin, pour achever ce que j'ai commencé, cette faveur, si singulière en tout, a toujours été en croissant, et la confiance qu'on a eue en moi a pris tous les jours de nouvelles racines. Les bonnes œuvres se sont présentées, je les ai saisies. J'ai contribué à l'établissement de Saint-Cyr, où je suis comme partout ailleurs, respecté, chéri, écouté. Voyez quelle chaîne de bonheur, et si, à en juger par les apparences, Madame la Duchesse de Chaulnes n'avait pas raison de dire « Jour de Dieu, l'heureuse femme !» Mais, madame, observa son interlocutrice, au milieu de tout cela, vous avez eu tant de choses à souffrir. « Beaucoup, dit-elle, mais je ne laisse pas de craindre toujours de n'avoir pas assez souffert. Je vois cependant avec reconnaissance que Dieu m'a soutenue d'une manière surprenante dans toutes les périodes de ma vie. Sans son secours spécial, je n'aurais pu supporter ma prospérité. J'avais bien porté mon adversité. Adversité !» répéta-t-elle en riant, puis elle ajouta en se retirant, « Sauvons-nous, ma fille, sauvons-nous, il n'y a que cela de bon. »